Dans le numéro 50 de mai 2012 de Basis, André Bory nous présente Mazas Pavel. Voici ce qu'il écrit. Mazas Pavel est né un jour de septembre 1984 lorsque Éric Sanvoisin, un copain qui publiait une revue de science-fiction du nom de Morgoth, me demanda d'écrire une nouvelle susceptible d'être prolongée en roman. À l'époque, nous avions déjà écrit un roman à quatre mains, prolongement de l'une de mes nouvelles que nous avions présentée au Fleuve Noir. Patrick Séry, le directeur de collection, l'avait accepté. Mais nous n'eûmes pas le temps de nous en réjouir. Séry quitta le Fleuve pour créer sa propre collection, qui ne connut qu'une dizaine de titres, et fut remplacé par une directrice qui trouva notre œuvre trop manifeste et la refusa. La nouvelle mettant Mazas en scène, Un juste retour, eut son petit succès d'estime, ce qui nous incita à la transformer en roman. Pendant quelques chapitres, j'ai continué à la faire tomber de Charib dans Scylla, puis Éric, qui avait décroché un contrat avec une maison d'édition de livres pour enfants, m'abandonna lâchement, ce qui, pour moi, signifiait la fin de Mazas. C'est bien ce que je crus jusqu'au jour où, en août 2000, Christian Martin, fondateur de la Gazette de Terrania, me proposa d'écrire un roman de l'univers de Perry Rhodan susceptible d'être publié sous forme de feuilleton. Après avoir hésité un peu, les nombreux romans que j'avais écrits ayant tous été refusés par les différents éditeurs que j'avais sollicités, j'acceptai sa proposition et, pour me lancer, je ressortis des cartons le personnage de Mazas qui, en l'occurrence, devint agent de l'OMU pour les besoins de la cause. Et ceci, 16 ans après sa naissance. Ce roman, ayant été accueilli avec sympathie, je pensais en rester là, bien qu'ayant quelques idées susceptibles d'être utilisées pour un second roman et que j'avais couché sur un coin de cahier. Ce n'est qu'après que Claude ait publié, avec l'accord de Christian, Mazas Pavel, agent de l'OMU, dans le BHS 2, que je songeais à lui écrire éventuellement une suite. Cette envie était en partie due au fait que j'avais lu et apprécié les romans faniques écrits par Serge Dupuis et Pierre Monneret, et que je voulais me persuader que je pouvais peut-être apporter, moi aussi, ma pierre à l'édifice des BHS. Mais, sincèrement, je pensais que ce roman serait le dernier. Cependant, parfois, les personnages de fiction prennent le pas sur leur créateur, et je me suis retrouvé piégé par cette jeune femme à la chevelure blanche et aux yeux pailletés d'or. Au fur et à mesure de ses aventures, je lui ai donné plus d'ampleur, lui inventant un passé, une famille, une planète, la faisant circuler parmi les protagonistes de la série mère et lui créant des liens d'amitié avec l'émir et Melbar Kazum en particulier. Le nom de sa planète d'adoption, Karsak, est simplement un hommage à l'un des auteurs que je préfère et qui nous a quittés bien trop tôt, François Borde, alias Francis Karsak. Son roman, Ceux de nulle part, paru au Rayon Fantastique en 1954, fut l'un des premiers récits de science-fiction que j'ai lus, avec l'invasion de la Terre de Jimmy Gueux, grâce à mon frère aîné qui les avait achetés. Son compagnon d'aventure, Steve Omirersing, dit Steve, doit son nom à une petite ville d'Alsace du même nom. Quant à son vaisseau, le cœur de Faumalo, il fait référence au roman d'Edmund Hamilton, Les Rois des Étoiles, que j'ai adoré, et dont l'héroïne est souveraine de la constellation de Faumalo. De même, le personnage d'Ars qui, au départ, était voué à avoir une vie météorique et à ne plus réapparaître après agent de l'OMU. Il est revenu et, bien que j'eusse essayé de le faire mourir à une ou deux reprises, continue à déambuler aux côtés de la Karsacienne, lui servant souvent d'ange gardien. On a même pu faire connaissance avec sa lugubre planète natale et nous savons maintenant qu'il est, depuis peu, père de petits Antillans. Ses fans peuvent se rassurer, il en a encore pour longtemps à sévir auprès de Mazas. Après avoir écrit un troisième roman, je pensais bien en rester là, mais cette satanée fille ne m'en a pas laissé le loisir. Successivement, elle a été amenée à s'opposer au surmutant, Stafford Montourney, qui n'était pas mort, contrairement à ce que tous les lecteurs de Perry Rhodan croyaient. Puis, vint une seconde rencontre avec de sinistres insectoïdes, les Kerti, et la découverte des descendants d'anciens colons terraniens, échoués sur un monde inconnu. Plus tard, elle sera même obligée de tenir un rôle de composition afin d'évincer les habitants du système bleu d'un juteux contrat concernant le Walgonium. Et dans sa dernière épopée, elle traque ceux qui se sont lancés dans une chasse aux immortels. Je termine actuellement le tome 9 de ses aventures et le 10e est déjà bien avancé. Je dois donc vous faire un aveu, je suis en pleine addiction et elle a fini par devenir une sorte de drogue pour moi. Pour en savoir davantage sur le périodique Basis, visitez www.stellark.com.